dit pneu, qui dit mieux? Tu veux ma ça, ça me fait la queue. Extraterrestre comme Migue 2. Si tu me touches, frère, fais un vœu. Que des herbivores sortent le feu. Le sang ici est blanc et bleu. On craint des guns ou à part Dieu. Ici ça bibi comme les Shelby. Genre le débit, le gros yébi. Marseille bébé, ça fait tébé comme au Dibi. Mais des pépites comme la newbie, bébé baby. Floriberry, Ravanelli, dans le Hazy, dans le Gary. Y'a les outils pour te bim bim. Que tes bras longs comme Dazim, comme Dibiki, bébé baby. C'est l'ovni, c'est l'indépendance. J'mets les bras écartés quand j'danse. Tu verras nos têtes dans les tendances. Un 3 sur l'étendard, ils se rappelleront de la sentence. J'suis avec les deux S et le A. Ouais, c'est Marseille bébé, t'inquiète, ma race, ça bouge pas ici. Ça sort le machin gros pour des embrouillades de cas. On est à 4 sur le T-Max, quoi, on déguste pas. Comment ça parle, ça fait des débats. Mais n'écoutez pas, coup de batte, y'a des hauts débats. Critiquez au départ, ça dépend, mais m'embêtez pas où on se fait RDV. Ouais, papa, tu me reconnais pas sur le XADV. On a le soleil, l'étoile et la playa. Oh là là là. On vient des cités d'or comme les Mayas. Oh la la la. Oh la la la la. Oh la la la. Marseille est dans la place. On veut le feu, on veut le feu, on veut le feu. Ce soir on couvrait. Ce soir on couvrait le feu. Ce soir on couvrait. Ce soir on couvrait le feu. New Jack City Carter. C'est Marseille m'a gâté sa merde. Quartier sud, quartier nord, Charcler et Carter, y'a que des experts. Roue arrière de David à l'escale, esquive les barrages, esquive la banale. Faut habiter vers Perrier comme les petits blindés qui tournent sur Paname. La clé du RS dans le jean, on joue l'attaque par le repli. Mentalité prince de la ville, et j'm'arrache quand le sac est rempli. Oh gang gang et c'est mortel, Rolling Stones, guitare fière à l'hôtel. Y'a le J, le A et les deux S. Cramé comme la plaque 13. Fais pas le fou, fais pas de grands gestes, pequeño. On baisse tout dans le Audi RS, pequeño. Sur une roue, on te met le GS qui a reconnu la test. On est penché sur la gineste, pequeño. Un pète tout, on met tout. On voit tout, même les ripoux. Tu ris de nous, mais la route tourne. La vie est courte, on leur prend tout, on arrache tout. Marseille, terre, terre. Les gendarmes sont en hélicoptère. Tu trembles devant la cage, on te transfère. Pas les couilles, c'est le club à mon père. Y'a R sans R. Y'a des légendes et beaucoup de faux gangsters. On fait du cash, on fait vibrer la banquière. Des beaux mètres jusqu'à Nanterre. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met. Ce soir